après sa vie, on revient sur ses pas et son passé. Mais au-dessus des vestiges, les sphères célestes sont maintenant désaxées, la divine mélodie s'est échappée. A plus rien, a plus d'harmonie, a plus rien du tout. Que ce bruit, rien que ce bruit derrière qui s'entête.